Une seconde visite qu'il lui fit eut plus d'importance peut-être. Odette frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zephora, la fille de Jethro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver, dans la peinture des maîtres, non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons. Ainsi, le plaisir fut plus profond et devait exercer sur Swann une influence durable qu'il trouva à ce moment-là dans la ressemblance d'Odette avec la Zephora de ce Sandro di Mariano auquel on donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli. Il regardait. Un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que dès lors il chercha toujours à y retrouver, soit qu'il fût auprès d'Odette, soit qu'il pensât seulement à elle. Et bien qu'il ne tînt sans doute au chef-d'œuvre florentin que parce qu'il le retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Et, tandis que la vue purement charnelle qu'il avait eue de cette femme, en renouvelant perpétuellement ses doutes sur la qualité de son visage, de son corps, de toute sa beauté, affaiblissait son amour, ses doutes furent détruits. Cet amour assuré, quand il eut à la place, pour base, les données d'une esthétique certaine. Sans compter que le baiser et la possession, qui semblaient naturels et médiocres, s'il lui était accordé par une chair abîmée, venant couronner l'adoration d'une pièce de musée, lui parurent devoir être surnaturel et délicieux.